Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la voix communautaire pour les informations, les programmes et les arts dans les villes jumelles. KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For comments or questions, call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. Bonsoir, Karine. Ah, bonsoir, Dana, et bonsoir, les invités. Bonsoir. Bonsoir. Deux jeunes messieurs ici. Est-ce que vous voulez bien prononcer vos noms pour nos auditeurs? Oui, moi je m'appelle Chris Tutolo. Et, Ok, moi je suis Hamzi du Liban. Bienvenue. Bienvenue tous les deux. Et vous faites quoi dans les villes jumelles? What are you doing in the Twin Cities? Ok, alors moi je peux commencer. Moi je travaille à l'Alliance française. Pas loin d'ici. Je travaille en tant que Cultural Programs Coordinator, donc je m'occupe des événements à l'Alliance française en plein temps. Et moi, je suis un étudiant international ici à l'Université de Minnesota. Et au Liban, je suis un policier et un formateur au FLE, un formateur à l'ambassade de France. Ah bon? Génial! Cool! Oui. So, Hamzi works as a policeman, and how does that translate the other thing that he does? The embassy, the French embassy. Oh, you work at the French embassy in Liban? Yeah, a French teacher as a foreign language. Okay. Yeah. Oh, you are a French teacher as a foreign language. Well, now why? Pourquoi est-ce que au Liban? Oui, tu sais, l'ambassade de France a pris l'initiative de répandre la langue française partout dans toutes les régions libanaises. Et elle a formé des formateurs spécifiques et elle a choisi quelques formateurs de la police. Et moi, je suis un de ces formateurs. On a eu une formation de 40 heures et on a fait plusieurs stages en France. Un stage à Rochefort et un stage à Clermont-Ferrand. Et moi, initialement, j'ai étudié dans un lycée français, dans un lycée francophone. Et j'ai eu mon bac français, donc oui, c'est pour ça. Elle nous a choisis comme des formateurs et on fait le tour des régions, on fait apprendre cette langue pour les gens qui n'ont pas la capacité d'apprendre cette langue. Ah ben, très bien. Et qu'est-ce que vous étudiez, Hamzi, ici? Moi, je suis dans un programme de droit. J'étudie la relation entre les droits de l'homme et du citoyen, et le travail de la police, et le métier de la police. Où on se rejoint et où on se décale. Et peut-être vous voulez expliquer où c'est le Liban pour nos auditeurs qui ne le savent pas. Ok. Le Liban est un pays du Moyen-Orient de 10 452 km² de superficie. Il a deux frontières terrestres avec Israël au sud et avec la Syrie à l'est et au nord. À l'ouest, il est bordé par la mer Méditerranée. Ça fait combien de population? Espace, mais comparé à Minnesota? Comparé à Minnesota, Minnesota fait 225 000 km², alors que le Liban est seulement 10 452 km². Oh my. Donc, elle est 200 fois plus grande. So, Minnesota is what, 200 times 200 larger times than bigger. Than et combien, Lebanon. Yeah. Combien d'habitants? Les Libanais à eux seuls sont 4,5 millions d'habitants, mais on a eu dans le passé, en 1947, à peu près 800 000 des réfugiés palestiniens. Et maintenant, avec la crise syrienne, on a à peu près, selon les chiffres des Nations Unies, on a à peu près 1,8 million de réfugiés syriens. 1,8 million réfugiés en Lebanon. Ouais. Mais il y avait déjà la crise il y a 10 ans à Liban, que c'était horrible après le Iraqi invasion et tout ça en Liban, ça allait très mal. Je me souviens, j'ai des amis de Liban qui parlaient de leur famille et les problèmes de travail. Et bon, okay. Maintenant c'est difficile vraiment ou non. Ça commence à modérer un peu. Mais... Non. La situation au Liban a été toujours prise à l'aise. Mm-hmm. On est un peuple qui aime la vie. On est un peuple malgré que la guerre ne nous a pas laissé tranquille. On est un peuple qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime la danse. On est un peuple éduqué et on résiste. Ouais, si vous voulez, c'est un peu ce qu'on essaie de faire ce mois-ci. Avec la célébration du Liban, on parle beaucoup de la crise des réfugiés, on parle beaucoup des guerres dans le Moyen-Orient, les guerres dans le Liban. Mais aussi, en même temps, ça n'a jamais changé qu'il y a une très, très belle culture qui existe mm-hmm. au Liban, une culture qui se réunit malgré les différentes religions. Et donc, chaque événement qu'on fait ce mois-ci, c'est vraiment une célébration des arts et de la culture au Liban. That was Chris speaking to you, and Hamzi just told us that there's a very well-educated population of how many people did you say, Hamzi? 4,5 millions d'habitants. Pardon? 4,5 millions d'habitants. 4.5 million people. And why is French so important in the background okay. of Lebanon? Okay, je veux expliquer ça. Mm-hmm. Pourquoi, si vous voulez, je peux commencer avec ce mois de la francophonie pour passer ensuite au Liban. Ah oui, c'est je peux plus faire important, ça. Oui. Est-ce qu'on va écouter un peu de la musique okay. avant? On peut écouter peut-être Fairouz. Elle est mm-hmm. une chanteuse très, très connue au Liban. On dirait symbole. Mm-hmm. Oui, elle a une chanson pour Beyrouth, si vous pouvez jouer cette chanson. Et comment s'appelle-t-elle? Fairouz. Fairouz. Fairouz, ça signifie une perle, la perle. Mm-hmm. Une perle précieuse. Mm-hmm. On y va. لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم thank you. Je veux continuer avec ce que signifie le mois de la francophonie. Durant le mois de mars, la francophonie rayonnera dans toute la cité Minneapolis, surtout avec les efforts colossaux fournis par l'équipe de l'Alliance française, dirigée par Christina, et par l'aide de Chris qui est présent aujourd'hui avec nous. Une panoplie d'événements va mettre en valeur la diversité culturelle d'un pays francophone, et je suis tellement ravi d'avoir choisi le Liban comme thème pour cette année, évidemment car je suis Libanais. Pourquoi le Liban? Le Liban a été mis sous mandat français de 1920 jusqu'en 1943. Cette période a été caractérisée par une réforme institutionnelle et une prospérité économique incomparable. Le Liban, après le mandat français, a survécu plusieurs guerres et il a prouvé que le monde entier, pour le monde entier, qu'il est un pays fort, non pas par sa armée, mais par la volonté et par l'éducation de son peuple. La langue française a été au Liban une langue officielle avec la langue d'Arabie jusqu'en 1960, date à laquelle la langue d'Arabie demeurait la seule langue officielle du pays. Depuis 1960 jusqu'en 2016, où est-on avec la langue française au Liban? Toutes les écoles primaires et secondaires enseignent le français, qu'il s'agit des écoles francophones ou bien des écoles anglophones. Et on commence d'être bilingue ou trilingue dès les petits jardins. Donc, c'est le système éducatif. Donc, les Libanais sont trilingues. Plusieurs lycées, on a plusieurs lycées francophones au Liban. On a le grand lycée, lycée Abdelkader, le lycée Verdun. Et tous ces lycées sont en relation ou bien en partenariat avec l'établissement d'éducation en France. Donc, ils organisent les bacs français. Et le bac français en plusieurs spécialités, ou bien sciences économiques, ou bien sciences physiques, ou bien mathématiques. Et bien sûr, l'ambassade de France au Liban joue un rôle dans la diffusion de cette langue. Et j'ai parlé avec, à propos de cette initiative. La langue française est parlée par la majorité des Libanais, à côté de la langue anglaise. Les Libanais adorent cette langue. La langue française est pour les Libanais la langue de culture par excellence. C'est la langue de Molière, c'est la langue de Rousseau, c'est la langue de Maupassant, c'est la langue de Baudelaire. La langue française, comme Guy de Maupassant l'a décrit, la langue française d'ailleurs est une eau pure que les écrivains maniérés n'ont jamais pu et ne pourront jamais troubler. Donc c'est une langue très simple, c'est une langue pure. C'est une langue facile à apprendre et j'encourage les auditeurs ou bien ceux qui nous entendent aujourd'hui d'y aller vers cette langue. D'y s'y mettre. Prendre des cours. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre bac? Dans quelle spécialité? Moi, j'ai fait une spécialité sciences physiques. De je voulais être médecin. Oh, d'accord. Oui, je n'ai pas fait spécialité sciences de la vie et de la terre. Mais j'ai choisi la spécialité physique et chimie, car... Il y a des écoles francophones ici, même à Saint-Paul, une école publique, et à Minneapolis aussi, mais c'est surtout pour les plus jeunes. Mais ça c'est incroyable. Il y a le baccalauréat jusqu'au lycée. On peut faire tout. Oui. Il y a deux ou trois écoles ici pour les tout petits, mais on peut aller jusqu'au fin de lycée, réussir son baccalauréat et prendre. Mais au point de vue universitaire, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas une université américaine? Oui. Et puis, il y en a d'autres nationalités. Et puis, quelle est l'université proprement dit du Liban? OK. On a l'université libanaise. C'est l'université officielle qui est reliée au gouvernement libanais. L'université libanaise a la plupart de ses programmes en français et à côté de la langue anglaise. Et on a l'université Saint-Joseph au Liban, l'USJ, une université très répandue dans le monde arabe, et elle est en partenariat avec, je pense, si je ne suis pas... je pense qu'elle est en partenariat avec Aix-Marseille, en France. Mm. Et on a une l'AUB au Liban, l'American University of Beirut, and it's one, c'est une université très fameuse, et on a et elle a une place ici à Washington encore. Bon. Okay. J'ai répondu à la question. Oui, merci. Oui, très bien. Tu as amené une deuxième chanson. C'était OK. Ça. Donc, si on peut entendre maintenant Les Cèdres du Liban, c'est une chanson très belle qui décrit le peuple libanais, la souffrance qu'ils ont vécue, et à la fin, il va terminer que les Libanais sont un peuple fort comme, et résistant comme les cèdres du Liban au nord du Liban. On y va. Des trous béants comme des fourmilières ouvertes, des sans-abri où habitaient naguère les gens de Phénicie, d'Orient, de sang, de Gênes et langue d'Arabie. Des cris, des larmes et de la rage au cœur, pour autant de violence, alors qu'on nage ailleurs sous des pluies d'abondance. C'est souvent quand on pleure qu'on vit l'indifférence. Qu'allons-nous dire quand le danger nous environne, à nos enfants qui nous questionnent, à qui on tente en vain d'apprendre le verbe aimer? Qu'allons-nous faire sinon trouver quelque refuge, espérer un autre déluge, ou bien se tuer à comprendre et pardonner? Un crépuscule comme la vie qui disparaît sous les décombres, une autre nuit à s'inventer la fin du monde, une ère nouvelle où l'on n'a plus peur de son nom. Des sentinelles qui nous rappellent qu'on n'est pas en liberté sur une terre qu'on n'a pas choisi d'habiter, sous la colère d'un Dieu qu'on veut s'approprier. Thank you. nous environne, à nos enfants qui nous questionnent, à qui on tente, on va l'apprendre, le verbe aimer. Qu'allons-nous faire, sinon se confier aux étoiles, prier le sein des cathédrales, parce qu'on est trop peu à comprendre, à pardonner. Un peuple fort qui croit encore que demain sera différent, tel un trésor que sait reconnaître un géant, comme le sont au nord les cèdres du Liban. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Quelle belle chanson! Comment oui. s'appelle-t-il cette chanteuse, ce chanteur? Jean? Mario Pacha. Mario Pacha? Oui. Et le titre, c'était... Le titre, c'est « Les cèdres du Liban ». Oh, « Les cèdres du Liban ». Le chanteur, il est basé au Liban ? Non. Ou est-ce qu'il est à Paris ou il est quelque part ailleurs ? Il est libanais ? Franchement, je ne sais pas. Mm. Oui, mais il faut quand même avoir un attachement au pays pour pouvoir chanter. Oui. Avec cette émotion qu'il avait. Il a chanté... d'une façon pleine d'émotions, oui. Vous avez raison. Il est du Québec. Du Québec. Ah. Merci Wikipédia. Mm-hmm. Et merci, on a deux invités ce soir. Et Olaf, bienvenue, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Et si vous pouvez vous réannoncer, c'est Chris. Oui, Chris Tutelot. Moi, je suis de l'Alliance française, ici. Et moi, je suis Hamzi, je suis du Liban et je suis un étudiant international ici à l'Université de Minnesota. Et bienvenue. Merci. Et vous êtes venu spécifiquement pour parler des événements et le mois de francophonie qui commence aujourd'hui. The month of French speaking. Si tu me permets, Chris, je commence avec le premier événement. Je te permets. OK. Donc, je veux commencer avec le premier événement. Le premier événement pour le mois de la francophonie s'intitule Haflé. Haflé, ça signifie en français la fête. Et durant ces deux heures, cet événement va durer du 5h, du 17h jusqu'à 19h. Et l'audience va découvrir le Liban en tous ses aspects. Il va découvrir les liens historiques avec la France, l'histoire de ce pays, ce qui a conduit ce pays à se caractériser comme un pays francophone. L'Alliance française, évidemment, a consacré pour cet événement une place spécifique. Elle lui a consacré une planification détaillée. Et si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Ça serait le 5 mars de 17h jusqu'à 19h. À Cedars Hall. Il se trouve à 602 Université Avenue, Southeast, Minneapolis, à côté de Saint-Marant Church. I will repeat it. Cedars Hall, 602 Université Avenue, Southeast, Minneapolis, à côté du Saint-Marant Church. C'est le lieu où la fête libanaise, ou bien le premier événement du mois de la francophonie aura lieu. Il y aura de la bouffe, ou bien de la cuisine libanaise, de la danse traditionnelle, ainsi qu'une présentation sur l'histoire du Liban avec le professeur Carol Hakim de l'Université de Minnesota, et une autre partie sur l'aspect, ou bien une autre présentation sur l'aspect culturel moderne libanais. Je présente cet aspect. L'audience va faire, durant ces deux heures, le tour du Liban, le tour des cités libanaises, de sa langue, de sa mode de vie et de sa culture, ainsi que de sa tradition et de sa coutume. Oui, tout à fait. Il faut dire, pour la Hafli, c'est un moyen de commencer par faire la fête. Donc, c'est des présentations, Hamza et Carol Hakim, qui est aussi à l'Université de Minnesota. Et ils vont commencer par discuter, comme Hamza dit, l'histoire du Liban et la couture aussi. Mais aussi, on aura de la danse, donc une performance de la danse d'Abka, qui est une danse traditionnelle du Liban. Ah bon. Ouais, et on va manger très, très bien aussi. Donc, on va manger des feuilles de vigne, du kebab, du taboulet, des choses vraiment typiquement libanais. Seront là aussi, donc c'est la fête dans tous les sens, vraiment. Une petite modification, c'est 612 et c'est University Avenue Northeast, donc c'est vraiment juste à côté de l'église de Saint Marin dans le Northeast Minnesota, Minneapolis. Sounds like a fantastic. Donc qu'est-ce que c'est comme centre? Il s'appelle quoi, le centre? Cedars Hall. Donc est-ce que ça a quelque chose avec les cèdres du Liban? Oui. Oui, il a été construit par la communauté libanaise ici. Ok, donc c'est pour ça qu'ils l'ont nommé ici. Oui. Uh-huh. Et c'est à côté de l'église Saint-Marin. Et vous savez, au Liban, on a une grande partie des chrétiens libanais qui sont maronites, mm-hmm. par repère au Saint-Marin. Ah, d'accord. Ah, bon. Okay. Alors, sounds wonderful. Shall we listen to 602 University Avenue? Oui. Okay. And that is the 5th. Is that Saturday night? Saturday. Well, if it's this Saturday from 5 to 7 p.m. So okay. It's coming up this Saturday. Yeah. All right. Do we want to listen to some more music? Do you have to register? Do you have to get tickets before? Do you have to kind of make sure that you get in? If there is anything, I mean, how RSVP? Does it work? Good question. So RSVPs are, of course, encouraged. We're asking for a $10 suggested donation to support it. There is a way to do that. So if you just visit our website at afmsp.org/Liban, so Liban, you'll find the Hafli as well as the rest of the 8 other events throughout the series. So to contribute in advance is always possible and encouraged as well. Wonderful. Should we have some more music? Sure. Let's take a quick music detour. Was there a song that you wanted to hear? Yeah, how about some modern music, some modern French music? There's a song I really love these days, and it's called Le Pont Marie. Comment? Le Pont Marie. Le Pont Marie. We played the song when it came out. It's, yeah. The artist is called Feu Chataton, and in my opinion, he is one of the most incredible modern French artists out there right now. So. All right, here we go. Ah, ses chevilles. J'y passerai ma note le moment venu, mais n'aie pas peur. Ce ne sera rien d'autre qu'un bijou de plus à tes pieds. Allons sur le pont. Pont Marie. sur le parapet, nous crions que cette fin-là est heureuse. Dites qu'on s'en envolage dans le lit du fleuve, celui du mariage plein d'acariens. Que dis-tu de prendre le large avant qu'il ne pleuve? Sur nos amours, on ne craint rien. Frappe, frappe vite avec ton couteau court à mon cœur fidèle. Puissions-nous partir maintenant que tout autour est immobile et que tu es belle, que tu es belle. Frappe, frappe vite avec ton couteau court à mon cœur fidèle. Puissions-nous partir maintenant que tout autour est immobile et que tu es belle. Et attrape de l'ordre, nous rions. On ne plongera pas cette fois, non, non, non, dans l'eau de rose. Debout et nu sur le parapet du pont, nous crions que cette fin-là aussi est heureuse. Jeux sont légers, mais légers et graves, comme l'ange ou le zeppelin quand il vient. Jure-moi qu'importe le danger, que même si l'on crève, les sanglots seront toujours reptiliens. Frappe, frappe vite, avec ton couteau court, dans mon cœur fidèle. Puissions-nous partir maintenant, que tout autour est immobile, et que tu es belle. Frappe vite avec ton couteau court à mon cœur fidèle. Puissions-nous partir maintenant que tout autour est immobile et que tu es belle. Soyons les premiers. tout doit sauter. Soyons les premiers à prendre le Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. What was that? What were we listening to? La dernière chanson. What was that? Une chanson que j'adore. Feu Chatterton, c'est le nom d'artiste. Et la chanson s'appelle Le Pont-Marie. Et c'est une chanson très émouvante. Ça évoque un peu les années 80 pour moi. Mais ouais, c'est un nouveau artiste. Il fait plein de très bons trucs. Il s'appelle Chatterton? Feu Chatterton. C'est like feu, like fire, Chatterton. Feu. Ouais. Chatterton, comme... Exact. Au 19e siècle. Donc, ouais, j'ai fait un peu de recherche sur son nom, sur ce chanteur. Je recommande. Alors, il y a plein d'événements, lots of events happening in the Twin Cities for the month of French month celebration, fête de la francophonie. La francophonie. There is a word francophonie in English, but it's not much used. Yeah, so I've often heard it equated with the Commonwealth because most people can think of the UK and the Commonwealth countries. But yeah, francophonie is actually a recognized English word as well. Yes, but it is an English word. When people don't look at me like I'm crazy, I usually say, yeah, it's like the French Commonwealth or something like that. So you can play it in Scrabble. Yes. on discutait un peu la Hafli, so this Saturday, don't miss it. It's a celebration of dance, music, food. Puis la semaine d'après, nous avons le plaisir d'accueillir Rawi Haj. Donc c'est le mardi 8 mars. Et Rawi Haj est un écrivain et un auteur qui vient du Liban, de Beyrouth. Et il habite actuellement au Canada. Donc, nous avons eu beaucoup de soutien du consulat général du Canada à Minneapolis, de Air Canada, de Mesna, qui est une publication qui est ici à Saint-Paul. Et ils publient des articles. Et c'est une organisation de l'art pour les Arabes américains. Et c'est peut-être le seul aux États-Unis de faire ce qu'ils font. Donc, on travaille avec beaucoup d'organisations pour amener Rawi Haj. Il écrit dans quelle langue? Ouais, ça c'est le truc très très intéressant. Alors, il est natif d'arabe, il parle français aussi, mais il écrit en anglais. Ses livres, il écrit en anglais. Donc justement, l'événement, on va avoir une conversation avec lui, on va discuter ça. Pourquoi vous choisissez votre troisième langue pour écrire vos livres? Peut-être que c'est comme l'acteur avec le masque et la liberté de pouvoir s'exprimer. Peut-être. C'est pour ça, c'est quel jour? Alors, c'est mardi le 8 mars. Donc, c'est à l'Alliance française. Ça commence à 18h30. Bonjour Minnesota won't be airing next Tuesday because it will be preempted for International Women's Day. Just a FYI to our listeners. Mm-hmm. So if you want to check out this event at the Alliance française, c'est une bonne idée, que dire. Et quoi après? Alors, après, nous passons aux films. Donc, les films libanais, ce sont tous les deux les films récents libanais et qui seront sur le grand écran. Donc, on le fait à St. Anthony, Maine. Oh! Ouais, donc le premier, c'est vendredi le 11 mars, donc le vendredi prochain, ça commence à 19h. Et c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Philippe Aractinji. Ça s'appelle Héritage en français. Et donc tous les films sont en français avec des sous-titres en anglais. Donc ce film, c'est intéressant parce que c'est un documentaire de la famille Arakthinji. Donc il se rend compte que pendant 4 générations, sa famille est en train de partir du Liban. Et il s'intègre un peu à Paris. Et donc ça suit leur histoire. Donc c'est un documentaire le 11 mars. Et plus tard, le 4e vendredi, on fait un autre film par peut-être l'une des plus grandes réalisatrices au Liban aujourd'hui. Et elle s'appelle Nadine Labaki. Donc le 25 mars, on va montrer un film qui s'appelle « Et maintenant, on va où ?»« Where do we go now ?» C'est un film de l'unité des religions. Ce sont des femmes musulmanes et des femmes chrétiennes qui se réunissent et qui oublient les différences pour faire face aux menaces. Donc c'est un film assez émouvant, avec beaucoup de pouvoir. That's a film showing at the St. Anthony Main. Right. Yep. So both films this coming month on the 11th and the 25th will be 7 p.m. So Friday, March 11th and Friday, March 25th at St. Anthony Main. And if you don't speak any French, there's good news because it'll always have subtitles in English. So it's another way to discover the Lebanese culture through film. So if film's your thing, I would certainly recommend it. And you said you had 8 events this month? Oh, that's just 4 so far, right? Yeah. So what else is happening? I'll talk to you for another century and then we'll get there. No, there's a... I should say that this could never have come together without the support of the Lebanese community that's here in the Twin Cities and people like Hamzi, who we offer this idea and he takes it and runs with it and makes it into something so much better. And he was mentioning that French is the most commonly spoken and taught language in Lebanon. Something that I found incredibly interesting was a statistic that there are nearly 7,000 Lebanese living in Minnesota. Wow. And 40% of them are considered Francophone and 20% are considered to use French in the home on a daily basis. And that's something that I got from the Arab American Institute Foundation. So it's very interesting to see that there is a large Lebanese community here. And we're hoping to demonstrate that on Tuesday, March 15th. It's an event that's going to be featuring 3 different local community members, as well as one visiting one called Terek Ased Makana. Basically 2 questions at play here. One is, what does the state of French in Lebanon and Lebanese system of government and et cetera, police force, what does that look like today? And then also, what does Lebanese heritage look like in Minnesota today? So really a way of experiencing what is today's landscape of Lebanese heritage. When did this community start? When did they come over in numbers big enough to actually form a community like this? Is this recent? Is this after the World War? Is it before? Is it this? It was before the World War. It was a turn of the century thing where the first Maronite communities started developing in Minnesota. I did speak with Monsignor Charbeau, who is at St. Mary's Church, and he mentioned that the largest French-speaking population that came was right around following the First World War. Mm-hmm. And so the French-speaking community came a little bit later, but I'd say turn of the century is when we really started to see this population grow in the United States as a whole and Minnesota especially. Mm-hmm. So that takes us halfway through the month now, but Tuesday, March 15th is the Lebanese Heritage event that's also at Alliance Française in our Grand South space. Sounds like fantastic. Just so many different things to learn all about Liban, mm-hmm. Lebanon. I didn't know that there was such a large Francophone culture. All of the friends that I have who are from Lebanon, of course, they speak French, and that's the common thread that we have. Mm-hmm. But I didn't realize how widespread it is. So it's great that it's featured. Right. So we're hoping to share it with as many people as possible, because I have the impression that, you know, there are a lot of people here that might not have known that, including myself. 2 years ago, I had no idea that Lebanon was even a part of the Francophone world. So just hopefully a way of discovering through multiple aspects. Would you like to tell us a little bit more about the cèdre on the flag? Les cèdres du Liban? Mm-hmm. Okay. Si je veux commencer, je commence avec le drapeau libanais. Mm-hmm. Le drapeau libanais est constitué par deux bandes horizontales. Une bande rectangulaire en haut et une bande rectangulaire en bas. Ces deux bandes sont de couleur rouge, font référence au sang que les Libanais ont versé pour conserver leur pays face aux envahisseurs successifs. Puis, après ces deux bandes, vous allez avoir au milieu une couleur blanche sur le drapeau qui représente la neige, qui est le symbole de la pureté et de la paix. Tout ça est frappé en son centre par un cèdre. Le cèdre, pour les Libanais, est un symbole d'espoir, de liberté et de mémoire. Pour les Libanais, le cèdre est toujours vert, et c'est une réalité. Le cèdre est vert tout le long de l'année. Il fait allusion, car il est vert tout le long de l'année, il fait allusion à un peuple toujours jeune, en dépit d'un passé cruel. Et je veux ici mentionner une citation pour Alphonse Lamartine, qui était émerveillé par ce genre d'arbres, ce genre de cèdres. Il a dit « Les cèdres du Liban sont les reliques des siècles et de la nature, les monuments naturels les plus célèbres de l'univers. Ils savent l'histoire de la terre mieux que l'histoire elle-même. » Mmh. Merci, c'est joli. Ouais. Les mémoires cellulaires. Est-ce vrai cèdres? Qu'on peut faire du ski Oui. Ah bon? Au Liban, on fait au du Liban, ski. Tout le monde arabe vient au Liban pour faire du ski. On a plusieurs sites. Donc, le Liban est connu du fait que tu peux faire du ski et descendre et nager dans la mer. Car ça te prend 2 heures de la mer jusqu'aux montagnes. Donc, tu fais du ski le matin, puis tu descends et tu nages. Et on a du ski à peu près 4 mois durant l'année. Mm-hmm. Et on a la montagne de Sanin et plusieurs sites. Le site de Faraya, le site de Laklouk. Et tout le monde arabe vient chez nous pour faire du ski. Mm-hmm. C'est incroyable. C'est formidable, oui. On n'a pas de désert. Non? Oh. On n'a pas de désert au Liban. On n'a pas des chameaux. Hein? Non? Non. Il n'y a pas de chameaux. No camels. Oui. Et si vous allez au Liban, les Libanais, car ils sont trilingues, ils vont vous demander la première chose. Bonjour. Hi. Kifak. Ça va? Donc, c'est en 3 langues. Et c'est une phrase quotidienne au Liban. Hi, kifak, ça va. That's how you're greeted in Lebanon with 3 phrases together. Est-ce qu'on fait la bise? Do you kiss on the cheeks there? Si. Or what is the standard greeting if you're going to say those three language hi? If you don't know the other person, si tu connais pas la personne qui est en face de toi, tu seulement salues avec la main. On serre la main. Oui, tu serres la main avec cette personne-là. Shake hands with the person you don't know who's in front of you and greeting them. Et si tu connais cette personne, tu fais la bise 3 fois. C'est pas à la française. À la française, on fait 2 fois. Car si tu vas en France... Ça dépend de quelle région de la France. En Montpellier, on fait 3 bises. Ah, moi, j'étais dans la région parisienne. Ils font En Normandie, on fait 4. Ah bon? Ils font 4. 4? Bon. Mm-hmm. Alors, quelle chanson nous allons écouter pour terminer? Pour terminer, J'oublie complètement le nom de la chanson, mais par contre, je pense que ça évoque un peu le Dabka. C'est une chanson qui s'appelle Dag Almani. Ouais, c'est assez énergétique, j'espère que ça vous inspire de danser pour le 5 mars. On y va. نشرها عالرماني دق الماني دق الماني طولك يا عود الريحان عيون عيون الغسلاني دق لك نسوك نسوك نشرها عالرماني دق الماني دق الماني طولك يا عود الريحان عيون عيون الغزلاني دق الماني دق يا ويلو وين سقفة الشيخ طبع وحلبة مجنون دق الماني دق الماني لبست أجمل بنطلون رامي بحبة مجنون دق الماني دق الماني تسلم لي نظرة العيون عيون عيون الغزلاني دق الماني ويلو يا خيو وين سافي يلا عطبل عطبل وان Yamma yamma yamma yamma Yalla Li bihab abu shiwara al hamra yirfa eidu la fouq Isma Lik li bist ajmal tan noura samra bhala maghroura dak لبست أجمل تنورة شعر بحالة مغرورة دق الماني دق الماني تسلم لي نظرة العيون عيون عيون الغزلاني دق وين السقف يا غيو يا قلبي لعيونك يا روي أحلى سيتيا Voilà, j'espère que ça vous motive pour la fête de la francophonie, surtout la célébration du Liban qui commence ce samedi. avec l'Alliance française et la communauté libanaise ici. Nous avons d'autres événements dans le mois, donc n'oubliez pas qu'il y a plein, il y a 8 événements total. Et si vous voulez vous renseigner à propos de ça, vous pouvez visiter notre site web afmsp.org Liban. So afmsp.org/Liban, you can find out about the rest of the events. I hope you come. Wonderful. Merci beaucoup d'être venu tous les deux. C'était bien intéressant. Merci de nous avoir invités. C'était un plaisir. Et merci, c'était un grand plaisir. Bienvenue. Et puis, bonne fête pour samedi soir, j'espère, pour vous. Et puis, Shukran. And we'll bring you back here pretty soon again for more Alliance Française events happening. So we'll keep you, everybody posted. So okay. With that, did we have another song on the CD we could end with? Let's go back to France. There's a song, and it's 2 letters, and I don't remember the title, but I can do the artist justice. It's Christine and the Queens. Okay, here we go. Shout out to Rosa. Thanks so much for helping me choose these songs. Hope you're listening. C'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Hey! Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, la voix communautaire de la communauté pour les programmes et les arts dans les villes jumelles. KFAI 90.3 Minneapolis et 106.7 Saint-Paul. Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the show you are listening to is Bonjour Minnesota. We just had our wonderful guests talking about the... Vraiment intéressant, n'est-ce pas? Incredible. A lot of activities to be sure to... Our listeners would have a great time going to all the many different activities that they have. All that great food and wonderful traditional dance. Lebanese food. Mm-hmm. Me too. But mm-hmm. the thing that is I'm totally overwhelmed is such a large community. Yes. In the Twin Cities area that That's you... That's surprising, isn't it? We never knew. We never knew, yes. I mean, which may reflect badly on us, but I mean, this is... when you think about French communities, you think about other... Yes. But mm-hmm. it's truly like a jet-set country because it's like so in the center of things, you know, with all three languages. When you say hi in three languages. That just is so remarkable. And then they are good merchants. You see, when you go to in Africa, the rest of Africa, many of the hotels are run by Lebanese. I remember some of the best restaurants. Excellent restaurants. From people from Lebanon. And people who actually had, essentially, they were born. In that particular country in West mm-hmm. Africa that I remember. But this is quite a. I know there is a huge community in Michigan too, near Hamtramck and Detroit and that area, very large because you can find Lebanese restaurants all over. I should announce that we just listened to Christine and the Queens and the song Christine before we did the station identification. And we probably should talk about some announcements from the Alliance Française. Oh, I have some announcements right here. Mm-hmm. How about we have that? Let's play a little song first and then we'll give the announcements. Qu'est-ce qu'on va écouter? I want to listen to... There's this funny guy in Paris named Thomas Federman, who's a real showman. And they started... Him and his friend, they have this group called Soviet Supreme, where they make fun of the Russian-Soviet era. This song is called French Romance, followed by Propaganda. French Romance. Hello stranger, Yankee touriste. Bienvenue, welcome to visit Paris. Pour vous, j'allume la grande ville de lumière. Paris foufou, Paris mystère. Very typique, la French totoche. Il fait tatache, titi, gavroche. Quand Walt Disney prend la bastoche, Paris musée fait les popoches. If you need a tourist guide for French romance, we are your last chance. So hello, darling, and say money, ciao. What you need is what I said. So typique et so français. So Paris, c'est so cliché. What you need is what I said. So typique et so français. On va rire French, kiss un bourreau. Please kiss me, ma baby, bourbon. French romance. Chauffer la visa à défaut des méninges à Saint-Germain-des-Prés, y en a du beau linge entre Zalig, Voltaire, BHL et Gap, ainsi par les Arras, chez Jean-Paul Sapp. J't'emmène à Pigalle voir Amélie Poulain, récupérer ma com dans son bar à tapin. Tu veux du gay Paris, des clichés de Zazou, faites chier, c'est pickpocket à pom pom pidou. If you need a tourist guide for French romance, we are your last chance. So shabadi badom dom, shabadi badom dom. What you need is what I said. So typique et so français. So Paris et so cliché. Chibidibop. et French qui sont pour bon. Please kiss me, mother, des bonbons. J'ai la main cocoche. Au Moulin Rouge. Elle tente mes cloques-cloches. Shopping parfum. Lésine pas sur la cocotte. En dirty French kiss te bécote les quenottes. Coco Chanel. Coco Chimay. Banque en jardin. Froufrou Charnel. Du rêve de Paris. De romance de croisette. Wait. I put the beret on the baguette. If you need a tourist guide for French romance, we are your last chance. So hello, darling, and say money, ciao. What you need is what I said. Sans typique et sans français. Paris, c'est son cliché. Chibiriba, what you need is what I say. Son typique et son français. On voit qu'il French qui sent bonbon. Please kiss me, ma bébé bon. Oh, no, no. What you need is what I say. Son typique et son français. Son Paris, c'est son cliché. What you need is what I say. Son typique et son français. Son Paris, c'est son cliché. Propaganda profesional. Propaganda subliminal. Propaganda professionnelle. Propaganda subliminale. Propaganda professionnelle. Balancer des médias, tes secrets défilent sur ma page. Sur la toile, je te dévisage. Dans l'écueil, j'espionne tous tes secrets. Dans mon œil, tu te perds dans les reflets. Tu batailles, tu rues dans la cage. Sur la toile, je te dévisage. Sur la toile, je te dévisage. Fleuve sibérique, tu pagues. Ton réseau se propage, s'accumule en nuages. Tu flottes, tu voyages sur la toundra. Non-stop. Propaganda, da da da da da. Propaganda, da da da da da. Propaganda, da da da da da. Propaganda, da da da da da. Propaganda, da da da da da. We heard Soviet Supreme with Propaganda and French Romance before that. I love their crazy sound. It's very festive and they wear crazy outfits on stage and it's just lots of fun. Beaucoup de... Alors, des annonces. Mm-hmm. Vas-y, Olaf. All right. Well, I mean, I'm taking care of those that are outside, that are the independents, and that's one. International Cabaret Night with Mark Stillman and Francine Roche. And this is on Thursday, March 3rd. That is the day after tomorrow. Yes. And at Honey, a bar. And this is from 7 to 8:45. So there's European dance, there's music, there's Latin swing, music from around the world. Maybe they even have a Lebanese one in this weekend. And that Honey Bar is on the corner of a, what is it, Hennepin and University, or no? It's on Hennepin. No, it's on Hennepin, and it's the what Under used the to Times. Be the Ginger Hop. Or the Ginger Hop, yes. And it's, well, I mean, people who 205 East Hennepin Avenue. Yeah, that's so sort of on over by Sir or by Sirdix. It's over by Kumarchik's. Kumarchik's, and then half a block from Sirdix. So. I mean, most people will know where that is. And if you can get there to Sirdix, you can certainly get to the Honey. And the other, there is a very small charge, but it's worth it. It's very, very nice atmosphere. Then there is the announcement of a course or of a talk about Finding Your Native American and French Canadian Ancestors. This is Saturday, March 19th, from 10 a.m. to noon. And this is in the Minneapolis Central Library Doty Boardroom. And the two people who are historical researchers and who are leading this are Jean Boutin Crowd and John Shade. So, call 612-543-5669 in order to register. Or you call the public library in the Central Library in Minneapolis, and somehow or other you will be led to where you can touch base with these people and where you can register. Mm-hmm. It sounds like an interesting And lots of great activities going on at the Alliance Française for the celebration of Lebanon, le Liban, during the whole month of March. Starting it off, the kickoff is Saturday, March 5th. It's called the Hafli Fête from 5 to 7 p.m. at the Cedars Hall, which is at 602 University Avenue. Northeast. Sounds great. And it's next door, I guess, to the Maronite Church. Yes. Mm-hmm. Also, at the Alliance, there's going to be the Petit Déj and Marie Contine. Petit Déj is going to be from 9:30 to 11:30. That's breakfast and conversation. And that's a lot of fun. You get to meet all kinds of interesting people, speak your French, and they have all kinds of luscious goodies from Bread Smith. Marie Contine is for little children, and she will tell them a story about a prince and a princess, but not like you'd imagine them. Continuing with the Lebanese celebration on Tuesday, March 8th, March 8th at 6:30, a conversation with author Rawi Hage from Beirut to Montreal. He makes his home now in Montreal. His first novel, De Niro's Game, in 2007, was a story of two teenagers coming of age in war-torn Lebanon, and it won a very prestigious Dublin Literary Award. He's a distinctive voice portrayed in his writings. He dissects arduous topics, including Arab immigrant experience, day-to-day life in war-ravaged Beirut, and facing alienation from society. Mm. That's going to be March 8th, 6:30 p.m. at the Alliance. Many job opportunities here at the Alliance, and they're looking for an events coordinator full-time and a part-time development coordinator. You can check that out for yourself by checking out the website at AFMSP.org. AFMSP.org. They're looking for people to help with the big gala, which is coming up. The theme of it is the Orient Express. Orient Express. So they're looking for antique luggage that maybe you would be having around the house that they could borrow. That'd make a nice... Le Train Bleu restaurant at Gare de Lyon, where you can take the Orient Express to Venice. Mm-hmm. I never took that train. The Delph and the Delph examination are coming up. And next test dates will be March 21st through the 24th, but the deadline for registration is March 9th. These are exams awarded by the French Ministry of Education. All kinds of classes open to you. Early registration, quite a substantial reduction in price if you register in the 10-week adult class. And these would include the study of Lebanese-American author Khalil Gibran's popular book, The Prophet, Le Prophète, with Sandrine. Inspirational work of fiction walks the line between poetry and philosophical essays. That's going to be on Saturday, March 5th, 1 to 4. Hmm. Classes for kids are available. Here's some other great things that are coming up. Voices of Light, The Passion of Joan of Arc is being presented by the Oratorio Society of Minnesota on Friday, April 15th at 8 p.m. in the Cathedral of St. Paul, and Friday, April 22nd, 8 p.m., the Basilica of St. Mary in Minneapolis. There is a reduction for a price for all Alliance Française members. Usually these are sold out concerts. There's going to be a 90-person chorus, soloist, as well as an orchestra, and it will perform in accompaniment to the 1929 silent film masterpiece called The Passion of Joan of Arc. That sounds amazing. That sounds great. Mm-hmm. Who was the filmmaker? The director? I forgot. Joan of Arc. I mean, Dreiser? No, I... I don't know who this was. I'll find out. But it was... one of the first... Well, it's a silent movie. Yeah. It was a movie, silent but film. But apparently it was one that... Dreyer. Carl Dreyer. Dreyer, okay, yes. The Fitzgerald Theater will present An Evening with Saint-Germain on Monday, April 11th at 7:30. Stay tuned for a ticket giveaway. I should, ooh! 20 years after Boulevard, 15 years after the multi-platinum label Touriste, over 3 million copies sold worldwide and a world tour spanning several continents, French DJ... musician-composer Ludovic Navarre, alias Saint-Germain, finally found his way back into the studio. Yay. And I didn't know about him, Dana. You did, apparently. Oh, yeah. We'll play some at the end. His consummate art thrives on a subtle mixture of machines and instruments. That's going to be, again, April 11th at 7:30 at the Fitzgerald Theater. Mm-hmm. Should we have a little petit détour de la musique? Mm-hmm. Pourquoi pas? A little bit of music announcements. C'est tout maintenant. Okay. Oh, il y a quelques petites annonces après, mais vas-y. After these announcements. Programming on KFAI is brought to you by Southside Pride, a monthly newspaper locally owned and operated in South Minneapolis. Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods and more. More information is available at southsidepride.com. Programming on KFAI is supported by Summit Brewing. Announcing Batch 21 in the Summit Unchained series, Us and Them IPA. This two-thread brew offers two distinctly different IPAs in the same six-pack. Info at summitbrewing.com. Maintenant, on va écouter Patricia Cash avec deux chansons. D'abord, Ceux qui n'ont rien. Et ça va être suivi par Il me dit que je suis belle. Et quand le temps se lasse de n'être que tu es, plus une seconde ne passe dans les vies d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de larmes en plus jamais, puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, où quand les vies ne sont plus qu'ombres, restent nos rêves à inventer. Il me dit que je suis belle. C'est-à-dire qui les rend transparents. Prendre à tourner les yeux devant les gens qui s'aiment, éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent à perdre l'air. Va-t-il asseoir un moment où l'on se dit je suis belle et qui m'attendait. t'as laissé de ta jeunesse derrière les barreaux d'une prison. Parce que t'avais eu de la tendresse pour une bagnole ou un blouson. Quand t'as laissé passer ta chance ou qu'elle t'a pas reconnu, tu te retrouves en état d'urgence au bureau des objets perdus. Moi qui connais le gris des couleurs de la nuit, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien. Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner quelque chose de bien, qui cherche à couper les cartes du destin. T'as regardé passer ta vie avec l'impression d'être en faute. Tu te demandes pas si t'as envie de vouloir être quelqu'un d'autre. Quand t'as regardé toutes ces vitrines avec tes mains derrière ton dos. Même si demain t'es James Dean, t'aurais l'impression d'être zéro. Qui connaît le bleu des matins malheureux, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien. Laissez-moi penser qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à donner quelque chose de bien, qui cherche à couper les cartes du destin. Laissez-moi chanter. Okay, we heard Patricia Cass in Il me dit que je suis belle first, and then ceux qui n'ont rien. Well, the first one is the second one is where she's really getting into that she needs to sing, she wants to sing, and that's basically her the life that she wants. And anyway, those who have nothing, well, they can sing. Wonderful. We have some more announcements? Oh, a couple of last announcements. Étoile du Nord French Immersion School is looking for a French-speaking volunteer or teaching assistant. Get a hold of them. Contact Fatima with your interest. Also, there is going to be a program called Understanding Muslim-Jewish Conflict in France on Thursday, March 31st. At 7:30 in the evening at the Center for Jewish Studies for an evening with Maud Mandel as she unfolds the history of the Muslim-Jewish conflict in present-day France. This event will be presented at the Adeth Jeshurun Congregation in Minnetonka, which is right behind the high school, the Hopkins High School. And what else have we got here? Oh, a special screening of the film La Maman et la Putain is going to be at the Trilon. It's a 35mm film print of Jean Eustache's masterwork, available in the U.S. for the first time in over a decade. The screening is for Thursday, April 14th at 7 p.m. Et voilà. Et voilà. And why don't we go ahead and just have another petit détour. This one is from the past. This is a song by Annie Cordy, and she is singing Cigarettes, Whiskey et les Petites Pépées. Cigarettes et whisky et petites pépées te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarettes et whisky et petites pépées, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Tu sais que le tabac c'est mauvais pour la voix. Tu sais que l'alcool, c'est pas bon pour ton foie. Quant aux petites pépées, c'est fatal pour ton cœur. Toi, tu prends les trois, tu dis qu'il n'y a rien de meilleur. Cigarette et whisky et petites pépées te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarette et whisky et petites pépées, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Les femmes et le tabac, laisse-moi te l'expliquer. À peine allumé, ça s'envole en fumée. Mais tu as pris goût, il te faut mon petit gars. Une blonde à tes lèvres et l'autre dans tes bras. Cigarettes et whisky et petites pépées te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarettes et whisky et petites pépées, si c'est ta vie, raison de les aimer. Quand ton ange gardien, en se croisant les ailes, te dira tu viens là-haut, y a du soleil. Un dernier mégot, le verre du condamné. sourire d'une fille et vive l'éternité. Cigarette et whisky et petite pépé te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite pépé, bye bye la vie, y a plus rien à regretter. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting community radio. Soyez discret, ne faites pas comme 01 qu'on a trouvé mort dans son bain. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet. Ne faites pas comme 02, mort d'une balle entre les deux yeux. Mieux à voix du nez, voyez l'agent 03, c'est le poison qui l'emporta. Pour être un agent secret, au pire il faut s'exposer. Voyez l'agent 04, ils ont bien fini par l'abattre. Secret, les filles, il faut se méfier. 05 ne l'a pas cru, c'est pour ça qu'il fut descendu. 06, vous le savez, lui aussi fut liquidé. Il avait un grand couteau bien planté au milieu du dos. Meilleur agent secret, je crois qu'il fait du ciné. Regardez bien 6 plus 1, oui ça fait 7, vous comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est devenu vedette. Dans les films qui font recette, c'est le seul qui n'est pas mort. C'est vraiment lui le plus fort. We just heard Petula Clark with L'Agent Secret, Secret Agent, and before that Annie Cordy with Cigarette, Whiskey, and Petit Pépé. So, what do we have? We're going to take a little detour of away from just this blast from the past, kind of pop songs into some of the Francophonie Libre. Yes, let's have some songs that have to do with, the French language, with French expression, how they children learn it, words, letters, how they write, you write a letter, answer me, etc. So there's a list of various kind of song titles that have some bearing on le mois de la francophonie. So let's, the first one is la douce France, in which the Charles Trenet, he sings about how he and his little friends go to school and how he remembers the village where he comes from, and so let's hear that. And if we have time, maybe the next one is Les Mots. Is that right? Mm-hmm. Yes. Les Mots. Mm-hmm. Here we go. Il

C'est-à-dire, on va aller voir du coin du Moyen-Âge, il y a encore des vestiges dans Paris, une ancienne porte, l'hôtel de Sens qui a plus de 500 ans. Enfin bref, le plus ennuyeux, c'est qu'aujourd'hui nous avons un temps qui n'est pas très agréable pour visiter. Nous avons un vent et très très grand vent. Mais enfin, on va quand même se promener. Et quand même, il n'y a pas de pluie. Espérons. Parce qu'en ce moment, c'est la pluie et le beau temps. Ça n'arrête pas de changer dans les 5 minutes. Alors, Suzanne a un chat. Parle-nous-en un peu. Eh bien, mon garçon s'appelle Charlie. Il a 10 ans. Je l'ai eu, il avait 5 semaines. Et c'est mon petit compagnon, comme je suis toute seule. Et voilà. C'est lui qui commande à la maison. C'est l'homme de la maison. Voilà. Je dois dire que le déjeuner était formidable, comme toujours. Moi, j'adore ça. Mais en Amérique, on mange le repas principal, c'est le soir. C'est un peu différent. C'est différent, oui. Ouais. Nous, ici, le soir, c'est très léger. Hein. Moi, je vois un bouillon, une soupe, un petit reste, des fois, qui reste du midi. Petit peu de fromage ou un yaourt, c'est tout. Hein. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps de digérer. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne chose de manger léger le soir. Ça, c'est vrai. Allez, en route, on y va? En route, nous partons. Alors, nous allons prendre 2 autobus sous un beau petit soleil, un beau petit rayon de soleil. Ah, bravo. Au revoir à nos auditeurs. Au revoir. KFAI is proud to sponsor the Northside Housing Fair, March 12th from 10 to 3 p.m. at Lucy Laney School, 333 Penn Avenue North. Whether you're a renter, a homeowner, or anything in between, Northside Housing Fair has resources on housing options and home care to fit your needs. Presented by the Cleveland Neighborhood Association. More information at northsidehousingfair.com or at 612-588-1155. Well, we heard some songs that have to do with French words, with the proper for the Francophonie of this month. The first one was Douce France. He sings about, among other things, school kids who are going to school. Then we had des mots, words, and there are words that he likes. There are words, proud words. There are very likable words in his, where he finds them. This was by team of Daguerre et Bertille, and then derrière les mots, behind the words, all kind of things are indicated by behind the words. And this is Alain Souchon and Laurent Wuzy. Those were the three that have to do something with Francophonie. And are we going to, we have time, okay, mm-hmm. then? Oh, and we had a small interview of my friend Suzanne. Yes. In Paris, and it was a day when it finally stopped raining after it rained and rained. And we went out on a little excursion to visit one of the old city walls of Paris, which is, it was right near Saint-Paul, the Metro Saint-Paul, behind there. And I'd never seen it before. Unusual. What and Suzanne told about things that she had made for lunch. Mm. It was so nice to hear her voice, so I could associate that mm-hmm. with your stories of her. So we're going back to the Francophonie. What are the next selections that we'll be hearing? Well, we have time for maybe l'éducation, one little bit. If we can, mm-hmm. and Je conjugue. And shall we wish our listeners a good evening yes. and a good week? Oui, bonsoir tout le monde. And keep up your French reading so that you are in the mois de Francophonie. Mm-hmm. And we will not be on next week because of a special Week of the Woman. Mm-hmm. And so we'll see you in a week from... That is Woman's mm-hmm. Day, the International Woman's Day. The International yeah, Woman's yeah, Day. Yeah, sure, I mean... Yes. So we'll talk to you dans 2 semaines. Voilà. Voilà. Au revoir. Bonne nuit. On m'a appris à l'école la fameuse bataille d'Arcole, ainsi que l'anatomie du corps et puis de l'esprit. J'ai appris aussi. rappelle vaguement l'histoire d'Ève et d'Adam. C'est d'accord, mais côté éducation relative aux relations d'une fille et d'un garçon, j'aime la moindre allusion. Non, non, aucun petit détail sur la question. On m'a apprise très tôt à coudre, jouer du piano,